Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, comme tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30, retransmis le quatrième jeudi du mois, de 8h à 9h30 le matin, donc pour les matinaux. Et donc, comme tous les troisièmes lundis du mois, on parle en général de différentes luttes, comme le dit le titre de l'émission, la jungle des luttes, qui est donc proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Plus concrètement, solidarité avec les apatistes, mais justement pas seulement, puisque depuis toujours, on le répète, le comité s'est créé pour essayer de créer des ponts, des liens entre les luttes et essayer de rapprocher, essayer de diffuser l'information, de participer aussi aux activités que proposent les apatistes. Et on essaye de donner la parole à différentes luttes. On donne souvent la parole aux copains de Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est une des luttes en France qui dure et qui construit et qui a plein de choses à nous raconter et à nous faire partager. On a aussi régulièrement parlé de NOTAF, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, puisque ça fait partie aussi de ces grands projets inutiles, imposés. Et donc ça, NOTAF, c'est une grande ligne, une ligne de train à grande vitesse qui passe de France à l'Italie. Donc on a eu l'occasion d'en parler, on en parlera donc aujourd'hui aussi, et on parlera enfin du Mexique quand même, avec un copain qui a séjourné là-bas. Donc on va pouvoir un petit peu faire un tour d'horizon sur ce qu'il a vu, ce qu'il a à nous raconter. Et puis on a aussi un petit programme à vous présenter, un programme des nouvelles initiatives faites par les apatistes, Festival des arts, des sciences et des peuples originaires, qui vont se dérouler en trois phases tout au long de l'année. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça, d'y participer cet été au Festival des arts justement. Donc on pourra probablement à la rentrée, vous faire un retour sur ce qui s'est passé. Et pour l'agenda, là, concrètement, là, c'est la fin de l'année. Il y a une dernière journée organisée à la parole errante, un dernier week-end avant que la parole errante passe à la parole demain. Donc, tout ça, c'est aussi quelque chose dont on a pu parler récemment, à savoir que, voilà, quel est le devenir de ce lieu, un lieu en lutte, lui aussi. Donc, ce sera ce week-end le festival de la CNT et donc la Confédération nationale des travailleurs. C'est un festival du vendredi au dimanche. On vous invite à y venir. Il y aura évidemment des débats, des projections, des tables de presse, à boire, à manger, des concerts. Donc, de quoi passer un moment ensemble pour essayer de partager et de débattre et d'apprendre. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le CSPCL, on est donc le comité de solidarité, comme je disais tout à l'heure, avec les peuples du Chiapas en lutte. Et on se réunit tous les mercredis, justement dans les locaux de la CNT, qui nous accueille depuis 1995, la création du comité. Donc tous les mercredis soirs à 20h30, c'est une assemblée ouverte. Vous pouvez vous y joindre pour avoir l'information, partager vos luttes ou vos informations, si vous-même vous participez à des luttes. Vous pouvez aussi participer à notre programme de radio qui est ouvert si vous avez envie de trouver un espace sur FPP 106.3, on vous invite. Donc on va faire une petite pause musicale avant de prendre notre copain de Notre-Dame-des-Landes. Pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos,

conscientes, valientes, estar de adelante, siempre, aunque el gobierno nos quiere someter. Con su abuso de poder no moriremos de rodillas, vamos a vivir de pie. FPP 106.3, la jungle des luttes, t'es avec nous au téléphone? Oui. Ouais, salut Notre-Dame-des-Landes, comment ça va par là-bas? Eh ben ça va, un peu humide aujourd'hui, mais sinon, tout va bien. Bon, alors du coup, peut-être que tu peux refaire peut-être un petit récapitulatif assez rapide sur la situation où vous en êtes aujourd'hui. On va peut-être rapidement dire que Notre-Dame-des-Landes, on va admettre que tout le monde sait que c'est la lutte contre un aéroport et plus. C'est-à-dire qu'à force de lutter, il y a eu plein de choses qui ont été construites sur place. La ZAD, la zone à défendre, comme on en entend aussi parler. Mais peut-être qu'on peut refaire un petit point sur où on en est sur la situation aujourd'hui, du dossier, en fait, concrètement aussi. Ouais. Comme il y avait des échéances prochaines, on entend parler des référendums, etc. Enfin, tout ça. Donc, ils ont continué un peu leur offensive juridique et puis et médiatique, surtout depuis un peu plus d'un an. Enfin, ouais. Ah ouais. On pense qu'il y avait peut-être déjà des volontés de faire des interventions un peu avant, mais que finalement avec les attentats ils pouvaient pas trop se le permettre. Et entre autres en janvier, apparemment ils avaient réservé tous les hôtels du coin pour lancer une intervention. Mais voilà quoi, il y a eu d'autres événements. Par contre, ils lâchent pas le morceau, en fait. Ils auraient pu avoir plusieurs portes de sortie, mais là, ils continuent à s'entêter dans ce projet aberrant. Donc, ils ont eu l'idée, là, de quand on a fait des grosses manifs, nous, en janvier-février, parce que la décision du tribunal rendait les agriculteurs expulsables. Et du coup, on a eu des grosses mobilisations. Et la réponse de Hollande, ça a été de lancer cette idée de référendum qui est assez malin, parce que du coup, il prétend jouer la démocratie en demandant son avis au peuple, sauf que en réalité, bon, voilà, on sait très bien que c'est une grosse supercherie, que la plupart des gens connaissent absolument pas le dossier, que ce soit au niveau environnemental, économique, et puis connaissent pas le terrain, connaissent pas le coin de bocage avec les agriculteurs qui vivent ici depuis longtemps, avec nous qui nous sommes installés, qui avons retapé des fermes et retapé des maisons et construit des cabanes et qui ont mis en place tout un tas de modes de vie qui correspondent un peu à nos idéaux et voilà, on tente de construire un monde différent. Et donc en fait, la plupart des gens qui vont être appelés à se prononcer sont absolument pas au courant de la réalité. Juste, ils subissent la propagande comme quoi, c'est de la diffamation quotidienne, comme quoi les zadistes, c'est des casseurs et qu'ils sont dangereux et qu'il faut, les expulser. Mais en fait, en vrai, s'ils nous expulsent, on sera partout et du coup, ça arrangera pas leurs affaires. Donc en gros, derrière cette propagande d'expulser les zadistes. On parle quasiment plus d'aéroport maintenant. C'est juste qu'il faut expulser les zadistes et c'est tout quoi. C'est l'argument des pro-aéroports, des ailes pour l'Ouest, de Retailleau qui est le président de la région, qui était le bras droit de Villiers. Enfin voilà, on a la crème de la crème en face là, plus les socialos et et puis la droite qui sont pro-aéroport. Donc en fait, là, il y a une grosse campagne médiatique anti-zadiste. Et voilà, voilà où on en est. Sachant que nous, on croit pas du tout à cette supercherie. Du coup, on n'appelle pas spécialement les gens à voter. Enfin, disons, les gens qui se sont installés sur la ZAD pour construire des modes de vie différents et faire de la politique au quotidien dans le réel, quoi. On pense que, voilà, aller voter pour ça, c'est encore reconnaître et légitimer un pouvoir qui dernièrement fait la preuve qu'il est juste autoritaire et complètement pourri et corrompu par le capitalisme. Le week-end prochain. Alors, attends, je voulais te demander, parce que justement, vous, t'as spécifié les zadistes. Nous, on fait pas une contre-propagande, une contre-campagne, etc. On continue à construire sur place, d'autant que vous avez souvent invité les gens à venir voir ce qui se passe. Donc, les gens qui veulent vraiment être au courant pourraient savoir vraiment ce qui se passe. Mais par contre, est-ce que les paysans et la CIPA, qui sont d'autres acteurs par rapport à la lutte contre l'aéroport, est-ce qu'ils sont dans une démarche justement peut-être plus contre-propagande ou ont essayé de travailler sur le terrain ou pas vraiment en fait ? Ouais, la CIPA est à fond dans une campagne pour le non à l'aéroport. On va dire que en tout cas autour de la ZAD, ils s'en sortent pas mal. C'est vrai qu'ils arrivent, on voit plus de non que de oui. Je pense qu'un peu plus loin, c'est plus compliqué. Et puis surtout, en fait, à Nantes, il y a eu une grosse campagne avec tractage dans toutes les boîtes aux lettres plusieurs fois de propagande pour le oui. Et sachant que c'est quand même Nantes qui représente le gros poids, 600 000 personnes, et que surtout le pouvoir impose un survol de Nantes par les avions. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est le syndicat des pilotes qui est contre le nouveau projet d'aéroport, qui dénonce ce truc-là, qu'on leur impose le survol de Nantes alors qu'ils pourraient faire autrement. Mais d'ailleurs, c'est pas la seule raison pour laquelle ils se mobilisent, les pilotes, d'ailleurs. Parce que, enfin, je sais pas, j'avais lu leur tract et tout ça. Enfin, ils se mobilisent sur plusieurs raisons, sur le fait qu'il est inutile et que l'aéroport de Nantes soit pas du tout saturé, etc. Ouais, c'est ça. L'aéroport est absolument pas saturé comparé aux autres aéroports européens. Que de toute façon c'est pas en créant un nouvel aéroport qu'ils vont créer des marchés et que voilà, en fait ils considèrent que c'est de l'argent gâché aussi et que peut-être ils pourraient mettre cet argent là dans autre chose, quoi. Donc voilà, il y a quand même ce qui montre qu'ils lâchent pas le morceau et qu'ils veulent vraiment s'enterrer dans ce projet, c'est que plutôt que de faire une consultation à l'échelle régionale, vraiment, ils ont calculé que ils s'en sortaient en restreignant. En limitant la consultation aux 44, ils savent que statistiquement, d'après les sondages qui ont été faits, le oui l'emporte. Alors que s'ils étaient allés un peu plus loin, en Bretagne ou autour, finalement, il y a pas mal de gens qui sont plutôt de notre côté, quoi. Donc voilà, là, ils savaient que les dés sont assez pipés, quoi. Ils ont calculé le truc, quoi. Mais en même temps, ça veut dire que ils continuent dans la confrontation avec nous et avec du coup un peu les gens les plus déterminés contre leur politique indécente là, et du coup jusqu'où ça va aller, quoi. Même Ségolène Royal avait dit que si s'entêtait là-dedans, il risquait d'y avoir encore un mort et peut-être un début de guerre civile, quoi. Donc en fait voilà, s'ils veulent la confrontation, nous de toute façon est prêt. Je pense qu'on est un certain nombre à être prêt et à pas être accepté le régime de dictature qui est en train de s'installer en France et que je pense qu'il n'y a pas que sur la ZAD, mais il y a dans tous les réseaux qui sont proches de nous, il y a quand même 200 comités de soutien sur toute la France et que je vous invite à rejoindre si vous n'êtes pas trop au courant, quoi, mais pour faire des actions locales et puis voilà, se tenir au courant un peu et aussi de créer du réseau contre ce régime autoritaire, quoi. Et donc en fait on voit bien là avec la crise sur la loi travail que il n'y a pas que les zadistes qui sont menacés, pas d'accord avec cette politique là et qu'il y a quand même heureusement un petit peu un sursaut de la population par rapport à ça. Après ce qui fait peur par contre, c'est que il y a quand même une grosse majorité de la population qui a l'air vraiment se satisfaire de la politique autoritaire, qui lève pas le petit doigt et qui continue lâchement à rien faire, quoi. Donc voilà, puis on verra. On verra. De toute façon, on verra le résultat de cette consultation. Mais nous, quoi qu'il arrive, que ce soit oui ou non, on continue ce qu'on fait, ouais. On a à faire, parce que on considère que c'est, il n'y a pas le choix, quoi. En fait, on est arrivé à un moment de l'histoire où si on n'arrête pas cette machine infernale, et ben qui est le développement. Le développement industriel, économique qui détruit à peu près tout sur son passage. Et si on n'arrête pas les politiciens et les chefs d'entreprise qui en vivent, ce sera le désastre. Donc ce sera un désastre politique et humain, environnemental. Donc voilà, nous on va pas lâcher le truc. Donc on compte. Du coup, vous allez continuer à faire votre programme comme si la lutte continuait et le projet de construction. Du coup, je t'avais coupé justement la parole tout à l'heure quand tu allais dire justement ce week-end. Alors nous, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. En fait, c'est vrai que personnellement, j'aurais été tenté qu'on se lance dans une autre campagne en mode zapatiste. À aller faire des assemblées populaires un peu partout dans la région pour parler ouvertement avec les gens et leur expliquer comment nous on s'organise et pour prendre des décisions pour vivre ensemble, etc. On fait beaucoup des réunions ouvertes où chacun s'exprime et j'ai la conviction que c'est ça qui manque dans ce monde, c'est qu'on laisse des gens décider parce que voilà, ils ont des postes de pouvoir et qu'en fait on n'a plus le choix de rien dire. Moi j'étais plutôt partant pour qu'on se lance dans un truc comme ça. Après j'ai l'impression qu'on manquait d'énergie pour mener ça correctement et que donc on l'a quand même fait, hein. Il y a eu des infos autour dans la région et on a d'ailleurs dans toute la France et dans d'autres pays. Depuis plusieurs mois, on a relancé tout ces. Le réseau de. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que localement, en fait, la plupart des gens, ils ont plus de désinformation et de propagande anti-zadiste que. Enfin, ils nous connaissent. C'est plutôt, oui. Ils lisent les journaux et du coup qui sont en général manipulés par le pouvoir local, quoi. Donc c'est vrai que on a quand même fait quelques réunions aux alentours. On a fait des portes ouvertes, même des barricades ouvertes, on va dire, ce qui n'était pas évident, mais on a reçu un peu des gens qui du coin, enfin. On a aussi ressorti un numéro d'un petit journal qu'on éditait là depuis 5 ans de temps en temps pour donner des nouvelles. On a essayé un peu de s'ouvrir localement. Après, on sait qu'on va pas convaincre grand monde par ceux qui sont déjà de notre côté, qui sont déjà convaincus. Mais bon, c'est sûr que les gens de la région, ils ont eu le temps et s'ils veulent, enfin vu qu'ils ont été souvent mobilisés sur cette question, s'ils veulent chercher, ils peuvent trouver. Ouais. Après, c'est vrai que c'est plus difficile quand tu es loin de te rendre compte, mais tous les gens de la région, avec tout ce qui s'est passé depuis, il y a eu matière. C'est vrai que s'ils veulent voter non ou voter oui, c'est sûrement déjà quelque part un peu dessiné dans la tête des gens, parce qu'il y a aussi une question politique derrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si tu ne sais pas qui sont les zadistes, tu peux quand même comprendre ce que c'est le projet. C'est-à-dire que... Et du coup, qu'est-ce que vous faites ce week-end alors ? Oui, alors enfin, la fin du suspense. Du coup, non. On a décidé de refaire un dôme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti en convoi à la COP21, on est arrivé, on a fait un banquet à Versailles. Le lendemain, on était un certain nombre à être à la manif à République. Et du coup, cette nuit-là, notre cabane de réunion collective a cramé sur la ZAD. On pense que c'était un peu une vengeance instrumentalisée par sûrement le PS ou les pro-aéroports qui régulièrement viennent faire des actions comme ça, genre un peu paramilitaires, on pense qu'il y a devoir un peu des fachos dans le coup qui sont en lien avec la gendarmerie ou des trucs comme ça. Donc régulièrement, on a des bagnoles, des caravanes, des cabanes qui crament. Et là, du coup, c'était une très belle cible parce qu'elle venait d'être finie d'être rénovée. Cette cabane, elle était assez magnifique. Et voilà, ça nous a fait un peu mal au cœur d'apprendre qu'elle est cramée alors qu'elle venait d'être rénovée. Donc là, on s'est dit, ce serait chouette de montrer qu'on continue à construire... notre vie sur la ZAD et qu'on se laisse pas décourager. Ouais, on a besoin d'un lieu de réunion et on s'est dit on n'a qu'à faire un chantier collectif comme on le fait un peu régulièrement où on fait venir les gens qui peuvent et à venir faire un gros projet ou plusieurs ou filer des coups de main à droite à gauche que ce soit dans les champs ou à construire ou à rénover. Et du coup là on invite les gens à venir déjà sur pas mal de petits chantiers sur la ZAD et surtout sur la construction de ce dôme qui sera qu'on pourra pas cramer quoi. Donc il va faire 10 mètres de diamètre, la structure est en métal, en tube, qui sont boulonnés les uns aux autres et après on va faire un premier mur en terre paille jusqu'à 2,50 m de haut, et puis après il y aura la couverture. Alors on a demandé aux gens de ramener des tôles plates, pas ondulées, de 1,50 m par 1 m, on verra ce que les gens peuvent ramener, et puis avec ça on les découpera et on fera le toit de ce truc là et après plus tard on isolera et Donc là, pour le moment, vous avez tous vos tubes, vos boulons et tout ça pour la structure. On est à fond dans la préparation. Donc là, les tubes ont été découpés, écrasés au bout. Là, ils sont en train d'être percés à partir d'aujourd'hui. Et nous, on est en train de couler du béton sur la ZAD. On fait des plots pour... couler du béton sur la ZAD, faut relativiser. Du coup, on est en train de couler des plots pour positionner les 5 portes qui vont donner dans le dôme. Et après, la structure va être accrochée à partir de ces 5 portes. Et voilà. Donc, on est en train de finir les fondations et les tubes. Et normalement, on devrait être prêt pour que samedi, on monte la structure ensemble et on fasse le mur de terre paille et on commence le débord de toit qui viendra protéger les murs en terre paille. Donc là, les gens, ils peuvent venir dès ce week-end pour éventuellement filer un coup de main sur le chantier. Ouais, voilà. Et s'ils n'ont pas la tôle de 1,50 m sur 1 m, ils peuvent peut-être venir avec autre chose ou c'est pas utile? Oui, tout à fait. Ils peuvent venir avec des bières, par exemple. Non, en fait, on a un peu tout prévu. Il va y avoir des concerts en même temps. Il y aura la cantine, plusieurs cantines qui se réunissent sous le nom des Tambouilles du Bronx et qui vont faire à bouffer pour 4 repas pour 1000 personnes. Il y aura un petit déj de prévu aussi. Et puis, l'idée, c'est de. Moi, j'étais pas spécialement favorable à ça, mais l'idée, c'était de travailler en 3-8. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de bosser la nuit pourront. Mais, moi, je trouve qu'on peut faire autre chose la nuit, mais. Et puis je pense qu'on aura... 2-8, ça suffisait à la limite, l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi. Ouais, voilà. Mais bon, J'ai pas bloqué la décision. Il y en a qui voulaient vraiment plutôt bosser la nuit. Alors, voilà. Il y aura du coup voilà, nous ça va être assez festif ces week-ends là et puis après ben il y aura l'annonce des résultats le dimanche soir où on sera réunis avec un peu toutes les composantes de la lutte et puis après quoi qu'il arrive on continue à faire la fête donc il y aura un bar qui permettra de rembourser un peu les frais qu'on a d'investissement dans le dôme et la cantine sera à prix libre aussi, si des bénéfs, ça ira pour le chantier. Quoi. Bon, bah, c'est ouais. un bon week-end en perspective. Et donc, vous savez déjà qu'il y a des personnes qui vont venir, il y a déjà des groupes, des collectifs ou... En fait, On espère, on ne sait jamais trop à l'avance. Hein. Ça peut être entre 20 personnes et 20 000 personnes. Alors, on verra bien, quoi. Mais la dernière fois qu'on a fait un... C'était pour les appels d'offres. Vinci avait fait des appels d'offres pour venir défricher la ZAD en janvier. Du coup, nous, on a fait des appels d'offres pour venir construire. Ouais. Et du coup, là, on a eu en gros 800 personnes qui sont venues... Et voilà. Donc là, on ne sait pas trop. On verra si les gens n'ont pas marre de venir nous voir tous les 5 minutes et si n'ont pas autre chose à faire aussi dans la vie. Mais on pense aussi que ça peut valoir le coup de... De toute façon, ce projet, vous aurez sans doute d'autres week-ends parce que vous n'allez pas le finir ce week-end, évidemment. On espère qu'il sera fini pour l'hiver, quoi, disons. Ouais, là, c'est il sera ça. Fonctionnel, il devrait être fonctionnel dès l'été, mais pour l'isolation, fermer les portes et tout, ça va être un peu plus long, quoi. Mais bon, voilà. On aime bien se lancer dans des trucs un peu mégalo aussi, des méga projets. À notre façon, à nous. Ouais, voilà. T'as envie de faire une pause musicale et de nous reparler encore un peu d'autres projets que vous avez sur la ZAD, d'autres choses ou... Oh bah ouais, si vous voulez. Ouais. Donc on fait une petite pause musicale et puis on entreprend. D'accord, ça marche. À tout de suite. Soldat de César, t'as pas saisi, ça va te prendre des heures et des heures et des semaines et des mois. Tu patouches, ça fait plaisir, on va têche, ça va faire bizarre, tu vas finir dans le bocage à poil à crier. Aidez-moi. Playmobil, du tambour, Vietnam, Bérésina, tu vas te faire fumer à la tourbe. Arrête de casser des maisons pour rembourser ton crédit. SP2, tu peux pas tester le triton crédit. T'as pas compris, c'est une arnaque, y'a pas d'avenir pour le tarmac. T'as vu ton pote est tombé de l'arbre. Oh, mesquine. Allez, retourne dans ta grotte, Julie Lesco. T'as du purin plein la déroute, t'es ridicule. Et ça t'esquinte. T'es le Robocop à l'assaut du potager. Fais gaffe, fais gaffe. Le fouet c'est contagieux. Tu sens que ça monte, ça vient partout. Le mieux pour toi c'est de dégager. Non mais sérieux, barre-toi. Affamé du progrès en béton, ta gorge est de Javel, non, nécropole. Vinci à ta table, César à l'écrou. Des petits fours en forme d'avion, les boules de champagne en tête de gondole. Notre-Dame, bac à sable de la classe oligarchique. Zone à détruire, moyennant une grosse poignée de fric. Escadron, flashball, cravate en plastique, mange tes morts. Dirigeons, bocager, lance des pavés de terre, toujours plus fort. Notre-Dame des ravages, ne leur accordez pas fous fuyants, car ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Notre-Dame du carnage, il n'y aura pas de place pour leur manège en béton. Playmobil déchaîné, faute population acharnée. Tir de compost à bout portant versus grenade lacrymogène. Le duel s'établit, pas de prière, mais des barricades à faire chialer Vinci. C'est là, c'est pour la ZAD, c'est pour les planches et de la pointe, c'est pour les cabas dans les arbres. Paraît que la France est sous zéro, les avions vont piquer du C. La vie c'est beau comme un pylône qui tombe, ni Gareva et Vinci, mais des arrangés à vie, pas à tabac des insectes. Ni t'es acheté, ni t'es avé, la vie c'est beau comme une défaite de la machine invincible. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle, c'est bien contre des fusées. La France est sous zéro, les avions vont piquer du ciel. Ils sont partout nous aussi, ils sont partout nous aussi. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle. Fuck off, ils sont partout nous aussi. FPP 106.3, la jungle des luttes. On continue avec donc les grands projets inutiles. On vous a, pour ceux qui nous ont pris en cours d'émission, donc la jungle des luttes, on parle des luttes ici, là-bas, ailleurs, avec toujours l'idée en bas, à gauche, c'est-à-dire surtout jamais regarder vers le pouvoir parce qu'on sait bien que là où ça, il se passe rien, ou au contraire tout contre nous. Donc en bas, les gens, les vrais, ceux qui défendent leur vie, leur terrain, leur, bah, leur territoire. Et donc on était avec les copains de Notre-Dame-des-Landes, qui peut-être a raccroché pendant la pause musicale, il avait besoin d'une petite pause. Lui aussi, normalement, il devrait nous rappeler. Et donc, tu es là de nouveau pour continuer à nous raconter un petit peu ce qui va se passer prochainement sur Notre-Dame. Allô. Prochainement. Enfin, ou je sais pas. Enfin, du coup, là où on s'en était arrêté, c'était ce chantier du dôme reconstruit parce que détruit, brûlé. Enfin, et avec sûrement donc des actes de malveillance, comme on le disait tout à l'heure, il y en a eu plusieurs. Et donc voilà, il y avait tout ce chantier qui était annoncé ce week-end pour ceux qui veulent s'y rendre. Ouais. Et ben, du coup, il y a oui, il y a ce chantier. Après, on a bah, surtout s'occuper des jardins là, parce que c'est le moment où ça va commencer à donner là. Et voilà, on a beaucoup de travaux agricoles, enfin horticulture. Ouais. Et là, il y a, bah, disons, ceux qui ont de l'élevage, il faut qu'ils fassent les foins, mais comme c'est un peu humide, c'est pas trop le bon moment. Après, il y aura les blés à faire, et voilà, ça va être un peu assez intense. Et puis sinon, bah, je sais pas, je pense qu'on a tous un peu des projets à droite, à gauche. On s'était dit qu'on allait peut-être aller à Vintimille dans le camp de réfugiés pour faire à manger avec la cantine. Mais bon, vu qu'il vient de se faire expulser, on ne sait pas trop. Il y a peut-être aussi des... Enfin, je pense que tout le monde a un peu des projets d'infotour ou d'autres trucs, ou même de vacances pour certains, ou d'autres ils font les saisons. Voilà, donc il n'y a pas forcément... on verra, on se dit que... Il y a peu de chances quand même qu'ils attaquent cet été, quoique on ne sait jamais avec eux. Mais et puis que de toute façon, bah, je sais pas, la campagne présidentielle va être un peu lancée et que leurs pauvres gendarmes sont épuisés. Ils vont pas les envoyer en vacances sur la ZAD. Alors sinon, après, dans les dates un peu remarquables qui pourraient être intéressantes, il y a l'université d'été du PS qui se fait plus à La Rochelle parce que le maire est plus PS, et du coup ils ont eu la bonne idée de la relocaliser à Nantes. Donc ça, c'est le c'est de la, 27, de la provocation. On vous convie tous à venir donc répète les dates, excuse-moi. J'ai cru que c'était le 25, 26, 27 ou 28 août, fin août. Et voilà, il y a déjà des appels à s'organiser pour empêcher cette université d'été. Ouais, disons, s'inviter à l'université d'été. Donc, il y a ça. Un mois après, ils ont un autre truc aussi pseudo-environnemental. Là, c'est... Climate Chant, donc c'est aussi de la grosse provocation de faire ça à Nantes, alors qu'il y a ce projet d'aéroport qui évidemment remet en question toutes les grandes déclarations que Hollande a pu faire pendant la COP21, mais bon, lui, ça ne pose pas plus de questions que ça. Donc ça, ce sera en septembre, et voilà. Sinon, ben... Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ce qui m'intéressait, ça aurait été de se dire que souvent, les mouvements sociaux, ils tiennent pas dans la durée, et que quand il y a l'été qui passe par là, ben, ça retombe un peu comme un soufflet, et que j'aurais bien aimé inviter les gens à venir sur la ZAD cet été pour qu'on continue à s'organiser, qu'on prépare la rentrée sociale. On a été un petit groupe à proposer ça, et on était un peu déçus parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui avaient de l'énergie de porter ça cet été faire un camp. Pour se rencontrer, surtout pour proposer aux lycéens et aux étudiants de venir voir pourquoi nous on se bat être en partage un évidemment, peu avec... Faut pas entendre par là qu'on veut monter des camps d'entraînement, parce que là, vu que de toute façon, on essaye de nous caricaturer comme des terroristes, voilà, ça y est, ça va être encore... Mais c'est plutôt des rassemblements pour réfléchir à comment on s'organise pour sortir de ce système-là. Et puis, je trouve que l'intérêt de la ZAD, c'est que ça peut un peu montrer l'exemple et donner envie à des gens de lâcher ce système et de... Construire autrement. Bon, bah, donc, super. Du coup, on a fait un peu le tour des lieux. Il y avait 5 ou 6 lieux qui étaient prêts à se lancer dans proposer des ateliers et puis accueillir du monde. Mais en fait, il n'y avait pas assez de gens qui étaient prêts à se coller à l'orgasme général du truc. Finalement, on va rester sur le mode habituel. Les gens qui ont envie de passer, ils passent. Et puis, on aura des discussions informelles. Sachant qu'il y a quand même ça, j'ai pas compris tout à l'heure quand t'as dit j'aurais bien aimé inviter les gens, ça veut dire que t'aurais bien aimé, mais tu peux pas le faire, ou si tu le fais d'inviter les gens cet été pour venir. Les gens ils peuvent passer comme d'habitude. Ce qui aurait été intéressant, c'est de, à l'échelle de la ZAD, de dire pendant 10 jours, on accueille 1000 personnes, et puis il y aura tel atelier dans tel lieu, tel atelier dans tel lieu, tel atelier dans tel lieu, et puis voilà, de brasser un peu. Il y a énormément de choses qu'on peut transmettre, quoi, que ce soit sur les médics, les street medics, sur les équipes médiques en action, sur les ateliers juridiques, sur comment se protéger des armes de la police, puis avoir conscience de ce à quoi on est confronté, comment. Finalement, il suffit de garder ce projet, d'essayer de le construire pour plus tard. Hein, après tout, c'est une belle idée de pouvoir. Oui. Disons qu'on est un certain nombre à avoir déjà organisé un peu des camps, que ce soit contre des gros projets polluants. C'est vrai que l'occupation de la ZAD a commencé vraiment avec un camp Action Climat en 2009. Et du coup, l'idée, c'était de continuer. Un peu à transmettre aux gens comment on peut s'organiser de façon collective et autonome, au moins sur une semaine, 10 jours de rassemblement, et puis de leur montrer comment ça s'organise, des trucs comme ça, quoi. Donc je pense qu'on avait plus l'énergie là, parce qu'on n'a pas arrêté depuis la COP21, quoi. On n'a pas arrêté de faire des événements et là, l'histoire du dôme aussi, ça va être aussi un gros truc. Donc, c'était peut-être plus sage de ne pas se lancer là-dedans. Mais peut-être qu'on va... L'idée est là et ça peut se faire. Pas d'autre, hein. On a toute la vie devant nous. Mais justement, en parlant des grands projets, on va continuer avec un copain qui nous parlera justement de ce qui se passe là au niveau du train à grande vitesse vers Nota. Okay. On va enchaîner. Et merci beaucoup. Tout plein de bisous. Bisous et abrazo. Des métaves et puis aux potes qui luttent un peu partout là en ce moment. Et faut continuer. Hein. La lucha sigue. Sigue. C'est beau, alors. Merci beaucoup. Et à la rentrée, on refera un point pour voir où on en est. D'ici là, tous à Notre-Dame-des-Landes, si vous en avez le temps. Et l'été est long, et donc même s'il y a plein d'endroits, l'occasion de passer, même déjà dès ce week-end, si vous le voulez. Merci beaucoup. Ouais. Et un petit coup de pub, il y a Radio Klaxon qui émet à nouveau, qui commence à émettre de nouveau, et elle est en streaming en ligne. Donc si vous avez envie d'avoir un peu des nouvelles, normalement le week-end du référendum, là, il devrait émettre et sur le chantier, puis pour les résultats et tout ça. Super. Radio Klaxon, Radio ouais. La ZAD. Sur la fréquence de Vinci. On pirate la fréquence de Vinci. Bon, allez. Super. Ciao. À tout bientôt. Ciao. Ouais, ciao. De grands projets en grands projets. Il y avait... qu'est-ce qu'on fait ? On fait une pause musicale ? Non, on continue un petit peu. Comme ça, tu feras une petite... Ouais. Donc, du coup, Notav, train à grande vitesse... Avec, on en a parlé, ça fait déjà un bout de temps, c'est un peu à l'image de l'aéroport justement de Notre-Dame-des-Landes, un vieux projet finalement qui du coup avec une lutte qui s'intensifie là depuis plusieurs années, Et ça fait au moins un an qu'on n'a pas parlé de tout ça. Il y a eu entre-temps quand même déjà plusieurs procès aussi, également des personnes qui ont été blessées. Il y a même une personne est morte quand même, hein, heureusement. Mais du coup, il y avait quelqu'un qui était gravement blessé, etc. Enfin, donc du coup, ça avait été une lutte qu'on avait eu l'occasion de relayer régulièrement. Et là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Du coup, merci à toi d'être là pour nous en parler. Ben, bonjour à tout le monde. Et ben, là, en Val di Susa aussi, la lutte continue. Et donc, le projet, malheureusement, de la construction du tunnel entre Turin et Lyon continue aussi, malheureusement. Le chantier continue à bosser, même si pas dans la vitesse qu'ils avaient prévue. Donc, en ce moment, c'est le chantier de Chiomonte, avec complètement militarisé, avec toujours la présence des militaires et de la police jour et nuit. Un chantier complètement militarisé qui est coincé dans la vallée. On le voit très bien en passant par l'autoroute dans la Val di Susa. Et donc, c'est assez étonnant l'ampleur qui a pris le chantier quand même. C'est devenu assez imponant, grand, avec notamment la présence jour et nuit des forces de l'ordre, quoi. Mais en même temps, la lutte continue, comme j'ai dit, et il y a chaque semaine des rendez-vous, des actions pour aller perturber soit la nuit, soit le jour, soit le petit déjeuner au chantier, au grillage du chantier. Il y a toujours la présence des flics qui essayent d'empêcher la présence des copains, des copines qui vont là-bas pour essayer de faire des actions. Il y a eu notamment dans les dernières semaines des actions de nuit, surtout avec des feux d'artifice, des attaques au grillage. Il y a notamment, comme toujours, beaucoup de lacrymos, des gaz lacrymos qui ont été balancés sur les gens qui étaient présents, beaucoup de gens contrôlés. Donc, il n'y a pas eu de grandes actions à niveau de nombreuses ou de grandes manifs dernièrement. Mais il y a tout le temps quand même ces actions qui quand même dérangent un petit peu, surtout la présence des forces de l'ordre, quoi. Et notamment dans la question des boulots qu'ils sont en train de faire au tunnel. Donc il faut dire que c'est un tunnel, on l'appelle géognostique, donc c'est un pré-tunnel. C'est pas déjà le chantier là où ils sont en train de creuser dans la terre, dans la montagne, c'est pas le vrai tunnel, donc c'est encore un tunnel de service qui permettra après au vrai tunnel qui, dans l'idée, permettra au vrai tunnel de prendre d'être construit. Et donc normalement, dans les buts des travaux, il fallait, c'est un tunnel qui de 7 km et devait, dans les prévisions, c'était la fin décembre 2015. Mais à ce moment-là, ils n'ont fait que 5 km. Donc, ça manque quand même 2 km. Donc, les boulots, il fallait creuser, je pense, quelques centaines de mètres par jour. Mais ils n'arrivent pas à le faire, notamment pour la pression, notamment parce qu'il y a quand même des problèmes techniques comme prévu. Il y a eu des problèmes avec la machine qui va creuser dans la terre, parce que la montagne, là-bas, elle est quand même particulièrement dure. Et il y a quand même des gaz et des produits, notamment l'amiante et d'autres matériaux qui sont dégagés de la terre, donc des situations quand même particulièrement difficiles. Et donc c'est clair que le retard accumulé, ça cause aussi beaucoup d'argent perdu. C'est une quantité d'argent qui est en train de se dégager là-bas dans le projet qui est complètement absurde. Et donc là, on parle peut-être d'arriver à finir, si dans les prévisions du gouvernement, pas avant le 2030. Donc c'est quand même toute une question qui prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Ouais, et tout ce temps-là, la région en chantier. C'est clair, ouais. Et la région est en chantier. Le passage entre les villages, les bleds sont quand même coincés. Il y a tout le temps des contrôles. Les paysans ne peuvent pas récupérer leurs terres, notamment sur la question de la vigne. Des terres que les paysans ont depuis longtemps, et qui souvent n'ont plus l'accès pour aller cultiver et faire leur propre boulot dans leur terre. Et puis une autre nouvelle qui date pas longtemps, c'est qu'en fait, ça c'était à Chiomonte, là où il y a le chantier, c'était le tunnel de service pour commencer à creuser le vrai tunnel qui devait quand même démarrer à Souza, donc dans la capitale de la Val di Susa. Sauf que vu la question de la sécurité et les actions, le fait de construire un autre chantier dans Souza, le gouvernement italien avec les forces de l'ordre ont décidé en fait de ne pas faire le chantier à Souza, que notamment avec la construction de la nouvelle station des trains, de nouveaux non-lieux modernes où on dépense des millions d'argent pour construire une gare de trains techniques à l'avant-garde, etc., qui ne sert à rien. Et donc, ils ont décidé de commencer le vrai tunnel à Chiomonte, là où il y a le chantier, pour évidemment ne pas se trouver encore à une situation comme dans les années passées, quand le chantier n'était pas vraiment encore en place comme il est maintenant, avec des attaques, avec des actions très fortes de tout mouvement qui n'accepte pas la construction du tunnel. Donc ça, d'un côté, c'est une petite victoire, peut-être, si on peut dire victoire, du fait que Souza ne soit pas touché directement. Ouais. Mais de l'autre côté, ça a reporté le problème. C'était quand même un moment important pour recommencer une certaine lutte, parce que là, quand même, la lutte, elle est quand même aussi assez difficile, parce que vu la présence des forces de l'ordre et la militarisation du chantier, c'est quand même assez difficile de rentrer et empêcher que le chantier puisse continuer de la construction, quoi. Et donc, à partir de l'été, comme d'habitude, sont prévues plusieurs choses, plusieurs jours d'action, des manifestations, le camping d'été, comme d'habitude, je crois. Il y aura une assemblée cette semaine pour décider un petit peu quand commencer et comment faire et les actions. Et dans les villages et dans les bleds de la vallée, ça continue avec les rendez-vous, les moments de convivialité avec les gens de la vallée, avec les mouvements qui font les choses. Et donc, il y a de la vie, ça continue, ça bouge. C'est vrai qu'il n'y a pas, comme peut-être dans la ZAD à Notre-Dame-de-Londres, toute cette construction réelle d'une alternative sur le terrain même. Donc là, c'est une différence quand même assez grande, même s'il y a eu des situations très fortes et très dures et très intéressantes de construction d'alternatives et des situations différentes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus difficile de créer quelque chose de fort et de réel en ce moment-là. Mais pendant l'été, ça se crée, ça... Donc là, c'est pareil, c'est ouvert à des personnes qui voudraient éventuellement rendre visite, faire un salut fraternel. Bien sûr, le rassemblement. Et de solidarité avec les gens. Ouais. Le planton des Venaus et les autres rendez-vous fixes un petit peu là-bas dans les villages de la Val Souza sont toujours là. Et donc, si les gens veulent aller passer, participer aux actions, participer à la vie qui se crée dans les bleds, sont sûrement bienvenus. Et il y a des endroits pour les accueillir et pour passer. Et notamment avec l'été, c'est sûrement... sera le camping d'été, donc il y aura la place pour tout le monde pour participer à la lutte et pour participer aux actions manifestations qu'il y aura pendant ce temps-là, quoi. Oui. Et après, peut-être une chose qu'il faudrait ajouter, c'est une nouvelle d'aujourd'hui que c'est pas, j'y crois pas énormément, donc, mais je voulais quand même la dire parce que c'est peut-être un petit quelque chose qui peut-être pourra faire un petit peu de pression. Et donc, il y avait les élections régionales en Italie pour les mairies des grandes villes. Et donc, à Torino, c'est une femme qui est complètement notave, une jeune femme qui a participé depuis longtemps au mouvement notave, qui a gagné la mairie de Turin. Chose que je ne pense pas qui va changer grand chose. Je ne veux pas mettre la question comme... un point de nouveauté, victoire, de victoire, absolument pas. Mais c'est quand même quelque chose qui pourra changer les intérêts. Oui, parce qu'on a seulement par. Ben pourtant, ouais, c'est pas la maire de Rome, parce qu'il y a une autre mairesse. Là, on parle que de ça, la mairesse de Rome, on parle que de ça, mais on parle pas de celle de Turin. Et ça, c'est parce que c'est quand même la rupture d'un certain pouvoir du PS, Parti démocratique en Italie, Fassino notamment, un Citave, un Protave qui a imposé ce grand projet inutile et qui, depuis longtemps, longtemps, il est à fond sur la question de faire le tunnel. Il a perdu les élections, notamment, sûrement la question d'Ottawa va jouer un rôle dans une ville comme Turin, qui, une ville ouvrière qui était quand même, qui a participé dans les luttes des années 70, 80, etc., dans une manière très forte. C'est quand même quelque chose de assez. Et donc, la première chose qu'elle a dit, elle a dit qu'elle ira à l'observatoire des communes qui sont pour le TAV, qui s'est créé depuis longtemps, donc tout ce projet d'observatoire pour voir le déroulement des boulots. Elle ira avec ses positions au TAV et elle dira. Probablement, on l'espère, que Torino sortira de l'observatoire. Donc, c'est quand même quelque chose qui donnera un petit coup de pression aussi au gouvernement pseudo-socialiste de gauche italien. Quoi. Ben, justement, c'était pas pour... Mais bon, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut un petit peu aider... À pouvoir continuer à résister sur le... Vu que ça joue beaucoup sur la question aussi entre européenne, les financements, les grandes villes présentes, etc. etc. Et puis... Parce qu'il y a d'autres pays qui ont pu abandonner des chantiers énormes, hein. Enfin, ouais. Du coup, enfin, peut-être pas forcément en Europe, mais en tous les cas, dans d'autres pays d'Amérique, il y a des chantiers énormes qui ont pu être abandonnés en plein milieu en disant finalement, on va pas en venir à bout, il n'y aura pas les moyens. Enfin, du coup, il faut... raison de tenir, quoi, même si ça avance. Et une autre question, c'est que niveau France, il y a un petit... Parce que quand même, pendant la construction du tunnel, le fait qu'il y a creusé, il y a beaucoup de matériel à enlever. Donc, tout le matos qui est dégagé de la montagne, il faut quand même le sortir de la vallée, quoi. Et donc, il y a eu aussi des décisions, notamment la question de l'amiante, de l'amiante. Et normalement, c'était prévu de le déménager, de l'amener avec des trains spéciaux, etc., etc., en Allemagne. Sauf que... Ils veulent pas des déchets. Et là, ils ont décidé de le mettre en bas du tunnel de service. Donc, ils enlèvent de l'amiante de la montagne, ils le mettent à l'air et puis ils le creusent dans la terre, dans la même montagne. Donc, c'est vraiment des choses qui sont absolument... Bah, ils rendent à la montagne ce qu'elle avait, finalement. Ouais, c'est clair. Sauf qu'ils le mettent, justement, en bas d'un, d'un tunnel. Bien sûr. Avec, puis ça a été à l'air libre. Et... tout ce qui peut se passer. Ouais. Et il y a quand même une commune de la Haute-Savoie, près de Saint-Jean-des-Mauriennes, qui a voté, le conseil communal a voté à l'unanimité de ne pas accepter les transports spéciaux qui se feront du matos qui vient dégager, qui sont en train d'enlever de la montagne. Donc là aussi, c'est une petite chose, mais quand même, ça démontre qu'il y a quand même une certaine résistance et opposition au tunnel, quoi, et au fait, à tout ce qui crée dans une telle vallée, quoi. Bon, bah super, merci. On se tient au courant. N'hésite pas à revenir quand tu es de passage à Paris sur FPP 106.3, la jungle des luttes. Oui, il y a peut-être un dernier mot sur les gens, sur les copains et copines qui sont quand même encore aux arrestations domiciliaires. Il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui depuis des mois sont quand même privés de la liberté. Ils ne peuvent pas aller bosser, ils ne peuvent pas... pour des choses, pour des actions de résistance, des petites choses qui, quand même, encore une fois, l'État italien est en train de faire démonter sa campagne répressive pour empêcher tous ces gens de continuer la lutte et d'aller faire leurs petites choses quotidiennes dans la lutte. Et puis, tous les grands procès qui ont été lieu pendant ces derniers mois avec des accusations de terrorisme, de lutte, etc., sont tous échoués. Donc, tout le monde est sorti plus ou moins bien. Et même les deux derniers qui étaient accusés d'avoir séquestré un flic pendant la manif en 2014, ont été libérés sans peine, sans rien. Donc c'était vraiment, encore une fois, la construction des juges absolument absurde tout le temps, qui voulait quand même la criminalisation d'un certain mouvement, quoi. Ouais, ça nous rappelle c'était ce qu'on est en train... Ouais, c'est ça, mais on fait bien, parce que c'est un petit peu une donnée qu'on retrouve un peu partout, malheureusement. On fait une petite pause musicale et on passera après avec le Mexique. Bah attends, tu me dis une minute. Oh là là, attendez, j'ai pas le casque. En plus, en train de chanter faux. La jungle des luttes, on continue. Pardon. Alors donc, voilà, on a parlé de ces grands projets inutiles, de ces gens qui luttent contre ce système capitaliste qui construit, qui dévaste, qui criminalise les uns, les autres, ici, là-bas, ailleurs. On a souvent parlé des violences policières, on aura peut-être tout à l'heure une copine au téléphone finalement. On devait être avec Thomas, ben, il arrive là, c'est bon, voilà, hein. Hop, la porte, c'est la porte du studio, clic, clac. Donc voilà, du coup, il a passé quelques temps au Mexique, pas seulement au Chiapas, mais même d'ailleurs plutôt partout sauf au Chiapas, mais surtout donne-nous peut-être toutes tes nouvelles. Là, on a, elle va parler tout à l'heure, la copine au téléphone. On va l'avoir au téléphone. Oui. Ouais, on a un petit quart d'heure sur le Mexique, donc on te laisse nous partager tes impressions. On n'a pas eu le temps de vraiment se dire ce qu'on allait pouvoir partager, mais... Il y a plein de choses à dire. Non, bah là, si, sinon, bah, parce que les copines aussi de Paris IoT n'a pas même demandé de, que c'était important de parler de ça. Là, c'est hier, il y a eu. Donc, IoT Napa, on rappellera toujours rapidement, même si peut-être les gens le savent, IoT Napa, ça se situe au Mexique, dans l'état du Guerrero. Il y a eu 43 étudiants disparus. On en a parlé beaucoup dans les médias. Il y a eu des personnes également qui ont été assassinées le même jour de la disparition. Des parents qui luttent pour retrouver leurs enfants, dont on n'a encore véritablement pas de traces, et avec un procès, une enquête complètement viciée. Voilà, avec évidemment l'idée de ne pas donner la vérité. Et donc. Voilà, pas tant sur le Guerrero, mais là, disons que ça fait plusieurs mois au Mexique qu'il y a une énorme lutte. Bon, ça fait des années en fait, mais là, dans les derniers mois, ça s'est énormément accentué. Des instituteurs, institutrices, enfin des enseignants en fait du Mexique contre la remise en cause de le contrat salarial qui relie en fait les instituteurs au gouvernement mexicain, donc du coup au ministère de l'Éducation publique. Donc ça, c'est une réforme qui avait été exigée par Peña Nieto, enfin donc par le président actuel par l'OCDE à partir de 2010, 2011, et qui était un impératif un peu qui avait été posé au gouvernement de Peña Nieto de mettre en place cette réforme libérale de l'éducation au Mexique. Et donc depuis qu'ils étaient rentrés, Peña Nieto, il y a eu un conflit énorme qui s'est fait contre les enseignants et les enseignantes, avec d'énormes mobilisations. Et là, dans les derniers mois, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans différents États. Bon, c'était déjà le cas au Guerrero, justement là où il y a Ayotzinapa. L'année dernière, notamment, il y avait eu les instituteurs, les enseignants dans tout le Mexique, ils avaient appelé au boycott des élections locales et régionales. Et donc, il y avait, par exemple, dans l'état de Oaxaca, il y avait une partie des élections qui avait été bloquée. Il y avait eu beaucoup de répression. Au Guerrero, il y avait eu énormément de répression aussi près d'Ayotzinapa. Il y avait eu un mort, notamment dans une ville assez proche d'Ayotzinapa qui s'appelle Tlapa. Donc, c'est un conflit qui est en cours. Et là, dans le mois de mai, il y a eu, pareil, de très violents affrontements au Chiapas, notamment dans la capitale, à Tuxtla Gutiérrez, parce que du coup, les enseignants, comme ils sont mis au pied du mur, sans aucune possibilité de pouvoir dialoguer, de pouvoir aller en table de négociation avec le gouvernement. Du coup, c'est des actions dures, c'est des blocages d'autoroutes, c'est des blocages de centres économiques, de raffineries, de différentes zones commerciales, etc. Et, par exemple, à tout cela, il y a eu énormément de répression durant le mois de mai, avec à la fois de la répression et de l'autre côté, des soulèvements aussi populaires face à justement des dispositifs policiers énormes de plusieurs milliers de policiers qui ceinturent les quartiers. Et donc, dans certains cas, les policiers ont dû subir des défaites suite au soulèvement de la population. Et là, depuis quelques jours, à Oaxaca, donc il y a un blocage total de Oaxaca là, depuis 5 jours, de tous les axes de transport, les principaux axes de transport donc, qui traversent le Mexique, d'un côté dans la zone de l'Isthme, de l'autre côté autour de Oaxaca, etc. Et donc avec blocage d'autoroute. Et là, hier, donc il y a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de policiers, la gendarmerie, la nouvelle gendarmerie qui a été formée notamment par la France, qui a été envoyée pour dissoudre les blocages. Et apparemment, il y a eu 5 morts et il y a 20 disparus. Là, c'est les nouvelles qu'il y a eu donc hier soir. Contre le blocage, le principal blocage de l'autoroute qui se trouve au niveau d'une communauté qui s'appelle Nocitlan, qui est à une demi-heure, trois quarts d'heure de Waraka en direction de la capitale. Et donc apparemment là dans les affrontements, la police a tiré sur la foule, il y a des gens qui ont été embarqués. Donc là pour l'instant le bilan qui a été annoncé c'est ça, 5 morts et il y a au moins 20 personnes qui sont toujours portées disparues. Donc ça c'est une situation un peu de crise, un peu critique qui va sûrement faire pas mal d'écho. Il y avait déjà eu beaucoup d'écho là récemment là dans les la dernière semaine. Suite à l'ampleur des mobilisations tant au Chiapas qu'à Waraka, il y a eu un certain nombre de dirigeants de la Coordination nationale des travailleurs de l'éducation, de la section 22, la fameuse section 22 de Waraka qui avait été à l'origine du soulèvement de 2006. Il y a 10 ans, il y avait un énorme soulèvement à Waraka dont beaucoup ont entendu parler. Toujours justement lié aux profs et qui était déjà l'éducation lancée par l'éducation. Voilà. Et donc là, 10 ans plus tard, de nouveau, il y avait eu, le 14 juin 2016, il y a eu de nouveau des blocages durs qui ont été compris à Waraka. Et là, justement, ce dimanche-ci, apparemment, donc il y a une répression très féroce qui est en cours. Donc c'est à suivre. Je sais pas, peut-être dans le contexte un petit peu de mouvement social ici, si c'est pertinent ou pas de faire des liens entre la situation et les réformes libérales, les réformes de casse du droit du travail ici et de ce qui peut se passer au Mexique. En tout cas, c'est quelque chose en tout cas à suivre. Voilà. Ça, c'est un peu les principales mobilisations sociales qu'il y a en cours depuis un moment. Après, au Mexique, il y a toujours énormément de luttes locales contre la même chose dont vous parliez, les méga projets, tout ce qui est la construction des autoroutes à Xochicuautla par exemple, la construction des parcs éoliens dans l'île de Tehuantepec, les mines d'or et d'argent dans l'isthme et dans différentes parties, les réserves naturelles. Voilà, c'est des grosses luttes quand j'y étais c'était des thèmes permanents aussi de mobilisation avec des campements et notamment l'une des autres endroits où c'est devenu de nouveau un point de tension extrême, enfin énorme là récemment, c'est Atenco pareil qui il y a 20 ans maintenant quasiment peut-être un petit peu moins, voilà, c'est une lutte contre la construction d'un aéroport d'un nouveau projet d'aéroport à la capitale, à Mexico. Et donc c'est une lutte qui avait été victorieuse en 2002-2003, qui avait empêché l'expropriation de 5000 hectares de terres collectives. Et ensuite, en 2006, il y avait une répression énorme qui avait été déployée contre Atenco. Il y avait eu 2 morts, plusieurs dizaines de personnes violées, plusieurs centaines de personnes emprisonnées. Au final, des peines de prison entre 30 et 110 ans de prison qui avaient été prononcées. Au final, suite à toute une mobilisation internationale, les gens avaient été libérés. Petit à petit, notamment Nacho, qu'un certain nombre de personnes ont pu connaître, des personnes qui ont pu passer par exemple à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, à différents endroits. Ou l'écouter sur la jungle des luttes. Voilà. Et donc, finalement, tout ça avait été libéré, mais là, c'est pareil. Là, depuis, en gros, avril, En fait, le projet d'aéroport avait été réannoncé, etc. Mais là, depuis avril, véritablement, les travaux, des travaux préliminaires ont repris. Alors, c'est un peu comme la ZAD, c'est pas les travaux directs de construction de l'aéroport, mais c'est les travaux de ce qu'on pourrait, l'équivalent du barreau routier sur la ZAD, c'est-à-dire les routes d'accès au futur aéroport. Et donc là, il y a de nouveau les copains, copines d'Atenco, du Front des Villages en Défense de la Terre, qui ont remis en place des campements de vigilance, de surveillance, de protection de leur territoire, des terres collectives. Et sur ces campements-là, donc du coup, en dégageant les entreprises venues faire des prospections, les entreprises venues faire l'étude des sols, etc. Et bon, c'est pareil, ça porte à des conflits assez sérieux. Les entreprises en question sont venues accompagner des militaires. Elles ont été dégagées par Atenco. Tout d'abord, et puis ensuite il y a eu une opération avec des barbouzes, plusieurs centaines de barbouzes qui ont réussi à dégager un des campements des copains et des copines. Donc voilà, là ils ont repris de nouveau les activités de blocage. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez important qui est en cours, et que bon, pareil, on se dit qu'il y a des liens aussi avec la situation qu'on peut vivre avec la lutte de la ZAD, des passerelles ou des liens à faire, quoi. Voilà. Bon, il y aurait tellement de choses à dire, on va pas avoir beaucoup le temps de parler non plus des projets Zapatis, de leurs propositions, etc. On vous garde ça pour la rentrée. On va faire une petite pause musicale, le temps de se caler avec la copine au téléphone. Tu peux pause musicale, à tout de suite. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. 106.3 FPP Jungle des Luttes. Donc on a plus beaucoup de temps. Donc il y a eu une marche samedi pour ceux qui étaient peut-être là, présents et. C'était aussi juste pour revenir aux violences un peu policières, un thème où en tant que CSPCL on se mobilise depuis un moment. Du coup, parce que là samedi, en fait, c'était la 9e commémoration de 9e marche suite à l'assassinat de Lamine Dieng. Et du coup, là, juste avant de finir l'émission, on voulait vous donner les dernières nouvelles suite à cette marche, un peu de là où en est la famille et spécifiquement par rapport à l'accusation d'assassinat donc contre les policiers, contre Lamine Dieng qui est mort étouffé il y a 9 ans de cela. On a tout de suite du coup Ramata Dieng au téléphone, sa sœur. Bonjour. Merci. Bonsoir. Allô, ouais, bonsoir Ramata. Donc on présentait un petit peu la situation de Lamine Dieng. Bon, on a suivi, on avait donné des nouvelles un peu régulièrement chaque dans les années précédentes aussi de où ça en était. Et donc on présentait un peu on faisait un peu le bilan de cette manifestation qui a eu lieu samedi. Et l'année dernière, il y avait eu le non-lieu, un non-lieu qui avait été dressé contre vos demandes, du coup, pour que soient jugés les policiers responsables de la mort de ton frère. On voulait juste savoir un petit peu si tu pouvais nous commenter où vous en étiez au niveau juridique aujourd'hui. Alors, à ce jour, on est à la Cour de cassation. Parce qu'en juin 2014, le juge a donc prononcé un non-lieu. Non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour lui dans le dossier qui justifie qu'il mette en examen les policiers. Et donc, une mise en examen égale procès. On en est qu'à... Voilà. Et donc ensuite, l'année suivante, juin 2015, la Chambre de l'instruction, suite à notre appel de la décision du juge, a confirmé le non-lieu. Nous avons aussitôt fait appel de cette décision également et aujourd'hui on a la Cour de cassation et on attend la décision de la Cour de cassation. Il y a deux possibilités. Soit elle confirme le non-lieu et donc ça sera terminé au niveau national, soit elle casse le non-lieu et à ce moment-là on retourne à une autre cour d'appel entre les mains d'un nouveau juge d'instruction. Et sachant que l'instruction c'est la première étape de la procédure pénale. Il y a d'abord l'instruction, ensuite il y a la mise en examen. Après la mise en examen, il y a donc le procès et ainsi de suite. D'accord, donc en fait... Donc ça veut dire que là, vous attendez pour quand? Vous savez quand, un peu, quand vous allez avoir cette décision? Non, on n'a aucune idée de quand la décision va tomber. C'est totalement flou, quoi. Les avocats eux-mêmes ne le savent pas. Donc voilà, on attend. Ok, donc en fait, pour annoncer un peu que donc cette affaire, contrairement à ce qui avait pu être dit, elle est pas du tout close, elle est pas du tout terminée, sinon que le combat il est toujours et plus que jamais d'actualité pour que justement cette affaire, qu'il y ait pas un déni total de justice et que du coup la mobilisation doit continuer et doit continuer à être là pour faire pression et que cette affaire puisse être réouverte. Absolument. On est en plein dans le déni de justice, hein, de toute façon, puisque la contre-expertise qui est rentrée dans le dossier depuis novembre 2007 indique clairement que la cause de la mort, c'est l'asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol, avec pression du sommet de la tête. C'est le juge a connaissance de ça. Pour moi, mais ce n'est pas qu'un sentiment, quoi. C'est une preuve suffisante pour mettre en examen les policiers. je ne vois pas ce qu'il faut de plus aux magistrats. Sinon, à quoi sert la médecine légale? Je ne comprends pas. Ils se basent uniquement sur les déclarations des policiers, comme je ne cesse de le répéter, pour rendre sa décision. Il dit que les techniques qu'ils ont utilisées pour immobiliser la mine n'étaient pas, elles ne sont pas interdites en France. Donc voilà. Il dit également que il ne peut leur être fait grief d'y avoir eu recours et que comme ils se voyaient en situation de rébellion, eh bien voilà, ils ont dû décupler de force pour maîtriser Monsieur Dieng, mon frère. Enfin bon, le juge, je comprends pas. Il est dans. Et comment on peut éventuellement Pour te demander en fait avant nous de clôturer l'émission, est-ce que il y a une prochaine date de mobilisation? On entendait parler dans la marche du 14 juillet, ou est-ce que vous avez une prochaine date ou un site à annoncer justement pour savoir un peu comment se mobiliser pour se solidariser, faire pression? Je suis à court d'idées. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Bon, on va essayer de continuer à en discuter. Donc, chacun doit, les gens doivent rester mobilisés. Mais comment, encore une fois, je suis ouverte à toute proposition. Bon, on va essayer de notre côté d'être proche. On a déjà été proche. On doit bientôt rendre l'antenne, là, tout de suite. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire un entretien un peu plus long ensuite avec toi. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, trouver notre échelle, pouvoir voir comment relayer aussi cette affaire. Merci beaucoup, à très bientôt. On reste en contact en dehors de l'antenne. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt, le mois prochain, troisième lundi du mois, Jungle des Luttes. On va devoir laisser la place au suivant, donc du coup on vous retrouvera au mois de juillet avec plutôt quelque chose qu'on avait organisé le week-end dernier, il me semble, ou l'autre, enfin il y a 10 jours, contre le forum d'armement Eurosatory. Il y avait une journée qui avait été organisée au Vignol par différents collectifs pour essayer de mettre à plat un petit peu toutes ces analyses et justement comment tous ces États sont déjà depuis des années très imbriqués dans les politiques militaires, l'armement et avec tout ce que ça en découle en termes économiques, etc. Donc du coup, vous avez la possibilité à un moment ou à un autre de trouver sur le blog, vous avez le blog de Jungle des Luttes pour nous écouter et puis nous réécouter. Et CSPCL tous les mercredis à 20h30, vous pouvez nous rencontrer. On a un site cspcl.ovato.org. Now I know.